Donc le deuxième débat, c'est sur les grandes surfaces. Alors on va accueillir Jean-Luc. Bonsoir Paris, bonsoir Pinard, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas travailler parce que sinon tu vas... Je vais partir au standard. Voilà. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Qui peine ? Bonsoir Gégé, bonsoir tout le monde. Eh bien bonsoir à tous, ça fait du bien d'être là. Et Billie Jean. Bonsoir. Bonsoir. Laurent. Laurent, s'il te plaît. Attends, on est en train de gérer parce qu'il y a quelqu'un qui a une radio, donc on est en train de gérer Gégé, t'inquiète. Donc Jeannette. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui. C'est qui là ? Jeannette. Bonsoir. Il y a un trave, hein, Gégé. Comment ? Je crois qu'il y a un travelot là. Bon, Billie Jean, tu te calmes parce que c'est moi qui ai demandé à ce que tu restes, sinon tu vas aller peut-être faire un petit tour au standard. J'espère qu'on a Laurent maintenant. Ouais, bon, faudrait vous calmer. Bonsoir. Donc bonsoir à tous. Alors, donc voilà. Donc, alors, êtes-vous pour les ouvertures des magasins CD le samedi, dimanche et les week-ends et jours de fête ? Alors, on va demander à Tiffaine, comme c'est une caissière. Wow ! Eh, la caissière. Ouais, c'est moi. Oh, tu travailles là ? Ouais, c'est moi. Tiffaine. Ouais. Bon, alors en fait, moi, pour pas citer la marque, je suis caissière à Carrefour. Un peu plus fort, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît. Manu. Bon, Tiffaine, hein, on est dans l'obligation de te dégager. Je suis désolé. Tiffaine, tu t'es endormi, hein, Tiffaine, hein, Gérard. Alors donc, on va demander à Laurent qui est vigile. Oui, je suis vigile, mais non. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de boulot. Ah oui, mais dans ce cas-là, les week-ends, vous êtes payé plus cher. Bon, on est payé qu'elle soit plus chère, quoi. Mais bon, les heures, il faut les faire. Tout soit plus cher. Mm-hmm. Les heures, il faut les faire, puis c'est chiant, quoi. D'accord. C'est tout. Jeannette ? Oui, alors moi, je pense que... Effectivement, les grandes surfaces devraient être ouvertes. Parce que, bon, je veux dire, le vendredi soir, on sort en boîte. Samedi après-midi, on n'a pas le temps d'aller acheter des CD. Donc, ce serait bien que c'était ouvert le dimanche, quand même. Mm-hmm. T'es pas d'accord avec moi, Gérard ? Attends, il faut faire des concessions, hein. Faut penser à ceux qui travaillent dans les supermarchés aussi. Oui, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec... Qui c'est qui vient de dire ça ? Laurent, qui vient de dire ça. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Bon, ouais, d'accord, tu me diras, faut faire des concessions. Mais faut dire aussi que ceux qui sortent en boîte le vendredi ont pas le temps de... Tu me diras, il y a certaines surfaces qui restent ouvertes quand même jusqu'à 22h, Jeannette aussi. 22h30. Non, 22h. 30. Non, 22h. 22h30. Gérard, je suis vigile, moi il m'arrive de bosser jusqu'à 22h30, hein. Je travaille pour les mousquetaires, pour pas citer la marque. Ouais, bah voyons. Les mousquetaires ? Intermammouth. Ouais, Intermammouth, d'accord. Ok. Billie Jean, pour toi ? Écoute, j'en profite pour faire. J'aimerais faire une petite déclaration, si ça va. Non, ouais. Tu réponds à la question, sinon oui, tu. Oui, je réponds à la question, mais parce que je suis tout à fait pour. Gérard, je fais des gaufres, t'en veux une ? GG ? Je suis tout à fait pour l'ouverture des supermarchés et des trucs de 10, quoi. Parce que samedi et dimanche, des fois, tu t'emmerdes. Mm-hmm. Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je faisais une déclaration à l'association des supermarchés et des magasins de 10, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que si les magasins ouvrent le dimanche, c'est que nous... Laurent, t'attends 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes, un peu plus. Hein. Non, mais on accueille donc Maria Carré. Alors, salut Maria Carré, t'es bonne. Bonsoir. Salut. Ça y est, t'as quand même raccroché ton Minitel depuis le temps qu'on te l'a demandé. Laurent, donc tu disais toi ? Moi je disais que c'est pas bien que les magasins de CD ouvrent le dimanche parce que déjà nous ça nous fait faire plus de boulot. Ah, je suis pas d'accord. Nous, on s'emmerde et comme nous on s'emmerde, ben, ça facilite la chour, quoi. Oui, mais vous vous emmerdez, mais dans ce cas-là, c'est là où vous avez le plus de monde pour. C'est là où il y a plus de monde, hein, quand même. Bah oui, c'est vrai, mais... parce que nous, si on doit travailler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, il reste plus beaucoup de jours dans la semaine pour qu'on s'en pose. Mais vous avez le lundi, le mardi. Gégé ? Oui ? Mais d'un côté, en fait, je suis d'accord pour le dimanche, parce que quand même, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mm-hmm. Donc, comme tu sais bien, il ne faut pas travailler. Mm-hmm. Et donc, d'un côté, je suis d'accord, et d'un autre côté, je ne suis pas d'accord, en fin de compte. D'accord. Zach ? Bah écoute, moi, je pense que ça pourrait relancer l'économie. D'accord. Mmh. Vraiment, vous êtes tellement chier les dimanches, j'en déconne, donc ça peut faire aussi un petit peu d'activité. Voilà. D'accord. Jean-Luc. Ouais, mais vous vous faites marrer, vous vous dites ça parce que. Non, attends, Laurent. Ouais. Attends, on va demander à Jean-Luc et puis à Maria. Jean-Luc. Bonjour. Bonsoir. Alors, moi, je suis plutôt pour. Vous restez poli, s'il vous plaît. Ah non, sans. Je suis plutôt contre. Pourquoi ? Sans, contre. Pourquoi ? Moi, je regarde la télévision le dimanche. C'est vrai que Sandy a servi d'emblème pour faire Mammouth. Tu sais qui vient de dire ça ? Tu sais qui vient de dire ça? C'est une erreur en plus. Bonjour, c'est Jean-Luc erreur. Répond. Bonjour, Luc, je continue, je peux parler? Oui, vas-y, Jean-Luc. Ouais, non, j'ai plus envie. Bon, c'est pas grave, j'ai des messages sur le Minitel. Donc déjà je tiens à saluer Ivan qui voulait que je dise son nom à l'antenne. Et surtout on te demande Gérard si tu vas à But le dimanche pour jouer au boule. Non. Marie, la boule au but. C'est ça. Donc Maria Carré. Maria, oh s'il vous plaît, vous vous calmez s'il vous plaît. Maria Carré. Ouais. Bon ça suffit, je viens me dire Maria Carré, tu réponds s'il te plaît. Bah ouais. Bah alors. Elle a 12 ans. Elle 20. Mmh, t'as une belle voix, je t'aime. Oh, s'il vous plaît. Ouais, bah je disais que j'étais pour, parce que vraiment le dimanche, j'ai rien à faire. C'est vrai? Ouais, bah non. Tu peux le faire maintenant en étant réveillé, ça nous arrangerait, Maria. Hein? Tu pourrais le faire en étant réveillé, ça nous arrangerait aussi de répondre. Bon, tu te réveilles, d'accord. Ouais, parce que là, tu t'endors complètement et ça commence à devenir très, très, très grave. Hein. Bon, d'accord, je suis réveillée, allez. Bon. Oui. Je vais dire un truc, mais c'est pas grave, je te dirai après. Non, mais vas-y. Non, mais je te dirai après, parce que sinon, ça va gueuler. Mais si c'est une connerie sur Sandy, c'est non, pas non, la peine. Non, c'est pas une connerie sur Sandy. C'est quoi, alors? Non, je vais te dire, en fait, est-ce que toi, t'es d'accord, en fait, pour l'ouverture des magasins, tout ça, quoi? Ah ben, moi, oui, je suis d'accord tout à fait, parce que le samedi ou le dimanche, moi, je suis d'accord qu'il y ait certaines grandes surfaces qui soient ouvertes pour faire les courses, ça, donc, c'est sûr. En fait, donc, t'es d'accord parce qu'on fait chier le dimanche? Bah oui. Voilà. Mais moi, t'as dit non, Gérard. Hein? Tout à l'heure, t'as dit non. Oui, mais là, non, c'est pas moi qui ai dit non. Hein, attention. Non, non, j'ai jamais dit. Non. Laurent, là, je te pose une question. Oui. Alors, vous me faites marrer parce que vous êtes là, on séchait le dimanche, il faudrait que le magasin soit ouvert. Mais il faut penser à nous qui bossons. Ouais, mais vous êtes payés plus, hein. Ah ouais, mais attends. Faut faire des choix dans la vie. Attends, c'est pas avec de l'argent qu'on pourra se proposer, mais. Bah, change de métier. Mais attends, Laurent, dans ce cas-là, vous avez quand même des jours de repos dans la semaine. J'ai des jours de repos dans la semaine, moi. Comment? Bien sûr. Comment? Attendez. Calmez-vous. Comment, Laurent, j'ai pas tellement compris, là. Tu dis que t'as jamais de jour de repos? Non. C'est tout de moi, c'est tout de moi, là. T'es fou de moi, là? Ouais. Ah non. Tu te fous de Gérard, là, ou quoi? Laurent, je vais te dire une chose, que j'ai jamais vu un agent de sécurité faire 24 heures, 7 jours sur 7. Faut pas prendre les gens pour les canards. Non, Gérard, je travaille tous les jours. J'ai rarement de jour de repos, parce que sinon, on bosse à plein régime. Attends, t'es bien en week-end la semaine, toi, non? En week-end la semaine? Bah ouais. Ah ouais, bah voilà, donc tu travailles que le week-end toi? Bah je travaille la semaine en week-end quoi. Ah ouais, mais le week-end c'est la semaine pour toi? Bah bien sûr. Ah ouais, bah, ouais, donc la semaine mais tu te reposes. C'est week-end de 7 jours. Non, bah ça va pas, non. Ah c'est possible. Non, mais de toute manière on va faire un débat sur les agents de sécurité un de ces jours. Non, c'est bon. Ah bah si, j'ai le droit de faire ce que je veux comme ça. Mais tu auras pas de nana, Gérard, réfléchis. Il y a des nanas qui font de la sécurité, je suis désolé maintenant. Non, ça s'appelle des chiens, c'est pas des nanas. Oui. Non. Bon, oui. Moi qui disais tout à l'heure, tu disais, ouais, Max et tout, on aimerait bien qu'il nous parle de sujets, qu'il nous fasse rire, etc. Bah je trouve que les sujets, là, que tu as dit, ça fait pareil. Bah ouais. Les agents de sécurité, il y a un moment, pas grave, pour le moment, le débat, c'est les grandes surfaces. Et le cul, ça va arriver. Vous inquiétez pas, avec Gérard, ça arrive toujours. J'ai un message Minitel encore de Ben qui demande si toi, Gérard, pour te taper un délire, t'essaierais pas les lits dans les grandes surfaces avec Sandy. Mais attends, l'autre, il pose une question, mais il va attendre un petit peu. Ah, d'accord, ok. Il va attendre un petit peu parce que la question va sûrement. Bon, bah Ben, attends, ça se trouve, la question, Gérard, il l'a écrite. Donc là, je pense que je vais avoir des réactions vachement très, très dures. Même bidon, je pense, sur cette question. Cachez-vous. Tu sais qu'il y accouche, là hein? Jeannette, si oui, ça te plaît pas, tu as commencé c'est par. C'est pas moi, Gérard, tu confonds avec un mec, là. Hein. Ouais, c'est un jour le plus fort, on t'entend pas. Hein, vous allez vous calmer, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça, ça commence à bien faire, ok? Alors, deuxième question. Cachez-vous le plus en grande surface? Pardon? Cachez-vous? Pardon? Oh, s'il vous plaît, vous vous calmez ou sinon vous allez tous dégager. Bon, on n'a pas compris la question, Gérard. Tu peux répondre, s'il te plaît? Cachetez-vous le plus en grande surface. Hein? Ah oui, bon. D'accord, on a compris. Alors, Jeannette, ouais. Moi, ce que j'achète le plus en grande surface, c'est les cassettes de cul. Les cassettes de cul. Et surtout les ustensiles d'amour. C'est-à-dire gonflable, god ceinture, tu vois? Ouais. Okay. Mais ça, tu le trouves pas en supermarché facilement? Ah, si. Non. Gérard, est-ce que tu connais les supermarchés du sexe? Non. Est-ce que t'as déjà vu, non? Il y en a dans. Non, j'ai jamais. C'est à part les cassettes vidéo porno, c'est tout. Tu veux que je t'emmène, Gérard? Non, c'est bon. Avec Sandy? Non. Merci, Jeannette, pour. Non, mais je vous emmène tous les. les deux pour découvrir. Hein. Non, non, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je peux vous emmener dans une boîte d'échange. Non, mais je te signale que je connais Paris mieux que toi. Hein. Oh, attention. Alors là, c'est gars, alors je peux te dire que dans Paris, je connais pas mal de coins bien. Ok. Donc, on va demander à Jean-Luc. Bon, mais moi, j'achète des crayons à papier rouge. Hein? Des crayons à papier rouge. Des crayons à papier rouge. Oui, rouge. Ah ouais. Parce que c'est moins cher. Ah ouais. Et t'achètes pas des crayons à papier noir non plus. Non, que des rouges. Ah ouais. Des rouges. C'était raciste. Non, mais non, pas du tout. Oh, non, pas du tout. C'est nul. Mais non, mais c'est... Donc, les pour rouges sont moins chers que les bleus. Mm-hmm. Bon, j'ai fait une petite comparaison. Mm-hmm. J'ai plutôt chez Mammouth pour les rouges. Ouais, mais Jean-Luc, oui. Jean-Luc, s'il te plaît, tu vas arrêter de citer des... Pas de marque, pas de pub. Tu vas éviter. Je vais chez pour les bleus, je vais chez... Ouais, d'accord. Allez. Et les verts? Et les verts, tu vas où? Alors là, les verts, j'ai du mal à en trouver parce qu'ils sont tous à peu près au même prix. Bah les verts, moi je te conseillerais d'aller chez... Non, chez... Bon, Zach, au champ. Merci. Mammouth, Leclerc, Casino. Non mais c'est bon, on n'a dit pas de marque, s'il vous plaît. Zach? Bah écoute, moi c'est simple, deux seuls produits que j'achète donc dans les grandes surfaces et autres, c'est les kiwis et les crevettes. Hein? Voilà. De quoi? Kiwi, tu sais, c'est un fruit. Ouais. Les crevettes, c'est comme tout rose. Ouais, bah je sais, ça c'est du poisson. Non, c'est la crevette, c'est pas du poisson. C'est les crustacés. Mon cul, c'est du poulet. Mon cul, c'est du poulet, t'en vois pas une nague. Billie Jean. Oui, écoute, moi, je vais à Carrefour. Billie Jean. Non, tu l'as dit. Billie Jean. Oui. Pas de nom. On a dit pas de marque, s'il te plaît. D'accord, ok. Écoute, moi, j'y vais, c'est pour acheter des pots de peinture. Mm-hmm. Et j'achète tout ce qui est bricolage, c'est ça? Ouais. Et puis j'achète des fruits, et puis j'achète, voilà. D'accord. Laurent? Bah, attendez, il y a une question. Ah. Non, je voulais seulement, après, que tu n'oublies pas de répondre, toi. Ouais, mais je vais répondre, t'inquiète pas, là. Laurent? Ouais, ben moi, étant donné que je travaille dans le milieu de supermarché, j'achète rarement, quoi, on me donne. Des denrées alimentaires, quoi, de la bouffe, café, chocolat, corn flakes, gaufres. Mm-hmm. Voilà, de la bouffe, quoi. C'est tout, de la bouffe pour manger, quoi. Mmh. Ouais, mais ça... Ça sert pour survivre. Ouais, mais je pense que ça, on te le donne, c'est bien. Oui, on me le donne, parce que... C'est bien, parce qu'en plus, j'ai mon salaire et j'ai pas à investir dans de la bouffe, quoi. Mmh. Ouais, mais ça, c'est le directeur qui te le donne. Bah écoute, mon directeur, monsieur... est très sympathique, et là-dessus, bah, il me file déjà un bon salaire de quelques... Et en plus j'ai de la bouffe donc j'ai pas à me plaindre. Mmh, d'accord. Enfin, je me plains des horaires parce que je travaille 7 jours par week-end. Quoi. Ouais, c'est ça, 7 jours par week-end. Seulement dire un truc, Claire qui est sur le Minitel qui est du département 06, qu'elle raccroche et surtout qu'elle met son numéro parce qu'elle veut dire un truc très très chaud, Gérard. Mmh. Et aussi qu'on manque de filles, donc les filles appelez au 0803 08 5000, merci. 06, c'est les deux. Ouais, parce que là on en a, mais je crois qu'elle dort un peu. Ah non, Gérard, on dort pas. On attend tes questions. Hein. Jeannette? Oui, alors moi, je préfère acheter tout ce qui est concombre, carotte, salade verte, raclette, tout ce qui est plutôt fruits, légumes. Mm-hmm. Pour en faire quoi? Tout ce qui est Jeannette, pour en servir. Ouais, mais Jeannette, oui. Mais dans ce cas-là, si tu vas dans une grande surface et que tu achètes que des fruits et légumes, t'achètes jamais de viande, alors? Bah non, parce que je préfère que les fruits et légumes. Hein. Je suis végétarienne, donc... Ah, d'accord. Voilà. Mais de toute manière, ça t'empêche pas de manger de la viande quand même. Bah non, quand on est végétarien, on mange pas de viande, Gérard. Ah bon? C'est quoi végétarien? Ouais. Ça veut dire quoi être végétarien? Bah ça veut dire que tu manges pas de viande, à mon avis, hein, c'est ça? Je sais pas. Non, tu sais pas. Ah bah alors, c'est pas mal. Oui. Donc, alors, on accueille Fred à la place de Maria Carré parce qu'elle disait rien. Et on accueille Richard, c'est un Belge. Salut Fred, salut tout le monde. Ah, bah Richard, ah, le Belge. C'est donc, un Belge, hein, c'est un con. Ouais. Donc, Fred. Bonsoir, c'est qui, Fred? Oui, bonsoir. Oh, s'il vous plaît, vous le laissez répondre, merci. Donc, Fred. Oui. Donc, alors, pour toi, je pense que t'as entendu la question. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous le plus en grande surface? Des paillassons. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, pour faire quoi? Bah, pour m'essuyer les pieds, qu'est-ce que tu crois? Tu t'essuies les fesses avec des paillassons, Gérard? Ah non, c'est Fred, hein, c'est pas moi. Contexte, hein, il se mouche avec les paillassons. Alors, moi, je peux. Je vais quand même vous dire. Moi, j'achète en grande quantité. Merci pour celui qui fait du bruit derrière. C'est pas grave, je dirais. Donc, j'achète le plus de la nourriture et bien sûr. des préservatifs. Et je pensais qu'il y en avait, tu allais me parler de ça, mais je pense que là, vous avez... Coton-tige ? Moi, j'en ai parlé, Gérard. De quoi ? De la bouffe. Oui, mais je pensais que vous allez me dire qu'on achète aussi des préservatifs, mais personne n'y a pensé. Il y a une question, excusez-moi, sur le mini-table de Zeus, qui demande si c'est Gérard ou Sandy qui font les courses au supermarché. Les deux. Les deux ? Wow. D'accord. Et vous achetez quoi ? Donne-moi ta liste de courses, Gérard. Toi, qu'est-ce que tu vas acheter dans le supermarché pendant que Sandy, elle va acheter autre chose ? Non, ben, on est tous les deux... Non, ben, on est tous les deux à parler. Oh, s'il vous plaît, vous essayez de répondre. Merci. Merci. Donc, ce qu'on achète, on est tous les deux, on fait tous les deux les rayons et on achète ce qu'on a besoin. Ouais, c'est Fred. Oui, Fred. Je voulais savoir si Sandy, elle se promène dans le cadet, comme le bébé. Non, quand même pas. Quand même pas, Fred. Jean-Luc, tu la promènes ou pas ? Quand même pas. Non ? Non, quand même pas à ce point-là. Laurent, oui, t'avais une question ? Combien est-ce que tu dépenses en moyenne par semaine et hebdomadairement pour les courses, tous les jours ? Tous les jours ou par semaine ? Gérard, c'est Laurent Montuel, ma mère, elle vient. Attends, oh, s'il vous plaît, là. Quotidiennement par semaine, combien ? Quand on fait les courses, on fait les courses pour un mois. On remplit carrément pour un mois, donc... Mais donc tu fais tes courses annuellement. Oui, bah, je le paye pour le mois. Oui, bah, annuellement. C'est comme quand il se lave, pour le mois. Mais Gégé, oui. C'est toi qui achètes le savon, shampoing, tout ça ? Oui. Pas de savon. Comment ? La tasse. Oui. Ah, c'est toi ? Oui. Donc vous dépensez combien par mois ? En tout, ça nous fait du 1000 balles. Mais le problème avec le savon, c'est qu'il ne s'en sert pas parce qu'il n'y a pas de notice dedans. Donc, tu sais qui dit ça, là ? Donne ton nom, là, s'il te plaît. C'est Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, bonne nuit. Non, c'est une blague. C'est pas Jean-Luc. Oui. Alors, moi, je suis vigile, je peux raconter des anecdotes ? Bah, vas-y. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, toute la journée, je me promène dans les magasins, je fais semblant d'acheter, en fait, j'achète pas. Non, attends. Déjà, tu fais pas semblant d'acheter, tu étais là pour surveiller pour ceux qui veulent. Pour surveiller, d'accord. Mais je me fais passer pour un client, je fais semblant d'acheter, mais j'achète pas. Ouais. Et une journée, j'ai trouvé une femme qui planquait tout au niveau de sa poitrine. Ouais. Et il se trouve qu'en fait, je me suis trouvé con parce que c'était sa poitrine. N'importe quoi. C'est pas des conneries, quoi. Je me suis trouvé con et je me suis fait virer, quoi. D'accord. Jean-Luc ? Oui ? T'as quelque chose à rajouter sur la question ? Ah non, je suis d'accord. C'est Laurent, j'ai une deuxième anecdote. Attends, Laurent, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Zach, t'as quelque chose d'autre à rajouter sur la question ? Aucun. Bon, Billie Jean. Oui. Je pense que toi, t'as encore quelque chose à rajouter. Ouais, comme d'hab. Et je vais te dire, José, un flacon de shampoing, ça dure combien de temps, c'est toi ? Ça me fait 2 mois. Oh ! On te lave la tête toutes les semaines. Une fois par semaine ? Non, bah, déjà, il y a eu un statistique de fait que si tu tapes plus trop souvent la tête, après, t'as des problèmes de cheveux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et José, tu te laves combien de fois par semaine ? Je me lave tous les jours. Il y a une question sur Minitel. De chez Lucky parce que c'est le nom est passé. Et il demande si pour faire des économies de shampoing, tu te laves pas avec les chiens d'Henri. Hey, je te préviens. Le mec, il a intérêt de se calmer parce qu'Henri il est là-haut. Ah bon, d'accord. Alors il faut mieux de se calmer. C'est pas sympa pour les chiens d'Henri en plus. Il faut mieux de se calmer, le Lascar. Calme-toi, Lascar. Et surtout, Ivan, donne ton numéro de téléphone, c'est une fille, elle veut participer au débat. Alors, Caracoche ou qu'elle donne son numéro. Gérard, donc, une question. C'est qui ? Jeannette. Oui, Jeannette. Oui, j'aimerais savoir si tu mets du shampoing pour te laver l'anus, si tu mets à l'intérieur le shampoing ou si tu laves juste le frotton. Non, mais attends, là... s'il vous plaît. Gérard, c'est Laurent. C'est pas le thème du débat, Gérard, ce qu'elle dit là. C'est pas du tout le thème, donc je répondrai pas à cette question. T'as raison. Gérard, c'est Laurent. Oui, pour finir. J'ai une deuxième anecdote à propos de mon métier de vigile, et celle-là, elle est moins marrante. C'est qu'un jour, j'ai pris une femme à voler, et je voulais dire que là, c'est dégueulasse, parce que je me suis trouvé con parce qu'elle volait pour donner à manger à ses enfants, quoi. Mais ça, c'est souvent, hein. Ouais, mais ça, c'est dégueulasse, et je sais pas trop quoi faire dans ces cas-là. Mm-hmm. Ça, je peux te dire que ça m'est arrivé déjà 3 ou 4 fois. En 2 mois de métier de vigile, et je peux te dire que c'est assez dur à assumer, quoi. Ouais, mais ça, je peux te dire une chose, Laurent, que c'est fréquent, hein, ce que tu viens de dire. Hein. Pourquoi ? C'est régulièrement. Parce que t'as qu'à voir, je sais pas, là, pas en ce moment, parce que je peux pas, je prends pas le métro. Mais sinon, Sinon, t'as pas mal de personnes qui sont là devant l'entrée des bouches de métro et qui font la manche et qui ont un petit avec eux. Qui c'est qui vient de raccrocher? C'est Zach. Pièces, toi, Gérard, hein? Est-ce que tu donnes des pièces aux gens qui font la manche? J'ai donné. Au début, je donnais, mais maintenant, je donne plus. Donc, c'est pas le cas. C'est bon, ça y est. Non, mais c'est bon, on est. On revient sur le débat, Gérard. Oui, ben c'est ce qu'on va faire. Oui, on revient sur le débat. Oui. Je peux te poser une question, c'est Fred. Oui. Donc, sur les grandes surfaces, il paraît que si on regarde ta cervelle, c'est une toute petite surface, c'est vrai? Non, ça, c'est faux. Alors, Fred, tu as calmé. Non, mais calmé. Recentre le débat. Vas-y, je pose ta troisième question. Alors, quelle différence y a-t-il entre un supermarché et une épicerie? Moi je sais. Alors, Jeannette. Alors, la différence, c'est que dans une grande surface, on peut trouver beaucoup plus de choses que dans une épicerie. Et l'épicerie, c'est beaucoup plus cher que les grandes surfaces. Mm-hmm. Et dans les épiceries, on n'a pas de caddie, on est mal servi, on est mal accueilli. Et voilà. D'accord. Fred ? Ouais, les épiceries, c'est pour les vieux. Pas spécialement. Mais Fred, oui. Moi je peux te dire une chose, quand t'as besoin de quelque chose et que la grande surface est fermée, t'es bien content d'avoir une épicerie quand même à côté de chez toi. Fred, tu l'as reconnu, c'est Ultraman. Non, ça y est, c'est tout, vous arrêtez de... Laurent ? Ouais. Plus du repos, hein. Donc, la différence entre un supermarché et une épicerie, c'est que, déjà c'est un commerce, donc il n'y en a pas vraiment. Mmh. L'épicerie et tout, c'est un magasin de proximité. Mmh. Plus cher qu'un supermarché, il est vrai. Non, mais tu reviens à la question que Jeannette disait. Exactement, je suis tout à fait complètement d'accord avec toi. Mais d'un côté, je préfère le supermarché quand même. Oui, mais. Je trouve beaucoup plus de choses. D'accord, je suis d'accord avec toi, Laurent. Je vais revenir sur cette question-là après. On va demander déjà à Billie Jean qui a répondu et je vais réagir aussitôt derrière. Oui, alors écoute, moi je crois que c'est une question de surface. Hein. Donc l'air n'est pas c'est pas la même chose quoi. Mmh. Là, premièrement au carré du rectangle. Et en deux, c'est que les prix ils sont multipliés par 20. Hein? Non, attends, hey, Billie Jean. Tu vas pas souvent faire les courses. Oh Billie Jean. Oui. Je veux dire une chose que dans une grande surface les prix sont quand même contrôlés dans les épiceries aussi. Ah, non, si. Je peux te dire que les prix sont contrôlés. Désolé. Il y a troisième différence, c'est que le nombre de caissiers et de caissières est limité. Ah ben attends, dans une épicerie, tu vas pas mettre 50 caissières. Oui, mais attendez. Par contre, si des fois, on pouvait avoir une caissière qui pourrait. Non, mais c'est bon, là, le tremblot. Non, c'est la caissière qui te répondait là. Non, non. On va en avoir une caissière si Ivan raccroche son Minitel. Mais pourquoi on n'appelle pas un train? Non, tu permets, Billie Jean, parce que je sens que... Bon, Jean-Luc, pour terminer. Bon, ben moi, la différence qu'il y a entre une épicerie et un supermarché, c'est ça la question. Mmh. C'est que sur l'épicerie, il y a marqué épicerie. Mmh. Et supermarché, il n'y a pas marqué épicerie. Bien vu. Mais il n'y a pas marqué supermarché non plus. Ah bon? Il y a marqué... T'as arrêté de dire mammouth, putain. Voilà. On dit pas mammouth, j'ai bon. Ouais. C'est une bonne réponse. C'est pas mal, ouais. J'ai cru entendre un truc qui m'a pas fait plaisir. Ah, quoi? Ouais, ouais. Quoi? Donc, alors, je vais répondre. Vas-y, réponds Gérard. Laissez répondre Gérard. Mais nous, on n'entend jamais rien. Putain, mais laissez parler Gérard. Je vais quand même répondre à Laurent et à Jeannette sur la question qu'ils m'ont dit que sur cette question-là. Moi, je peux vous dire une chose. On est bien content d'avoir des épiceries quand même, parce que si les grandes surfaces sont fermées le dimanche, comme il y en a certaines, mm-hmm. hein, donc on est bien content d'avoir une épicerie pour aller chercher ce qu'on a besoin à côté de chez soi. Ouais. Pour le mois, hein. Oui, mais d'accord, mais tu peux pas tout trouver dans une grande surface. Il y a beaucoup plus de trucs dans une épicerie, hein, c'est clair. Ah, ouais. Non, mais regarde, Jeannette. Moi, je vais te dire une chose. Quand t'as eu la grève, là, des routiers qui t'ont tout bloqué, heureusement que t'avais des épiceries pour... Oh, s'il vous plaît, vous arrêtez de faire du bruit derrière, merci, quand je réponds. Mm. Parce que sinon, je vais plus répondre aux questions. Vous allez voir, ça va aller très vite avec moi, là. Hein. T'écoute, Gérard. Donc, quand il y a eu la grève des routiers... Ils ont tout bloqué, les grandes surfaces et tout. Donc, tu étais bien contente d'avoir une petite une épicerie pour trouver ce que tu avais besoin. Bah oui, surtout que dans l'épicerie, c'est beaucoup plus grand qu'une surface. Non, mais dans l'épicerie, c'est peut-être plus cher. Ouais. Hein, ça, je le reconnais, c'est vachement cher, ça, c'est sûr. C'est le problème c'est le problème qu'on pourra jamais résoudre. Une épicerie, c'est trop cher. Gérard, c'est Laurent. Oui. Moi, je voulais te dire que je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, parce que les épiceries comme les supermarchés, à cause de la grève des routiers, n'étaient pas ravitaillées non plus. Hein. Oui, mais attends. Donc les épiceries étaient plus facilement dévalisées que... Ah non, ça a été les grandes surfaces qui ont été dévalisées en premier, je suis désolé, Laurent. Oui, mais les épiceries n'étaient pas ravitaillées non plus. Oui, mais t'avais certaines épiceries qui étaient ravitaillées. Ah ouais, mais... Par hélicoptère, je crois. Non, les gens, ils... Par sous-marin, je crois. Oui, Manu, oui. On accueille donc une caissière, Ivan. Ah, Ivan, bonsoir. Ivan. Bonsoir. Ça va être un bleu. Ah, s'il vous plaît, là, vous vous calmez derrière. Sinon, ça va gerber sec hein, ce matin. C'est attends, si tu permets, Billie Jean, on va demander à Ivan de répondre. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est quoi la question? Donc, quelle est la différence, quelle différence y a-t-il entre une grande, un supermarché et une épicerie? La surface. Bah oui, bah ça. C'est une question. C'est le débat sur les grandes surfaces. Ça m'aurait étonné que tu me parles des surfaces. Ça. DG? Oui. Je peux dire un truc? Oui. Je vais te dire, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi un autre élément. C'est que dans les épiceries, il y a des articles que tu ne trouves pas en supermarché. Hein. C'est-à-dire? Il y a des trucs, je sais pas, il y a plein de choses que tu ne peux pas trouver en supermarché. Je trouve que c'est dommage. Ouais, mais d'accord. Ok. Donc, on va poser la quatrième. Seriez-vous prêt à danser dans un supermarché et on s'écoute les rois du MC avec Tiens-moi ça, ça me gratte. Et on se retrouve tout de suite après. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Eh ouais, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique directe. Où il y a Pamela qui doit raccrocher car on va la rappeler. Et voilà, c'est parti, on récupère Jean-Luc. Bonsoir. Ivan. Bonsoir. Billie Jean. Bonsoir. Laurent, Billie Jean, tu fais ta voix normale, s'il te plaît, merci. Bonsoir. Laurent. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Jeannette. Bonsoir, bonsoir Gérard. Et Pierre. Bonsoir. Donc, tu travailles, Pierre, s'il te plaît, merci. Oui, oui. Prends ta voix normale, s'il te plaît. D'accord. Bon, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Oui. Bisous, Fildar. Bon, ça y est, on se calme, là. Alors, seriez-vous prêt à danser dans... Bisous, Fildar. Ah, on compris, on continue le débat, merci. Voilà. Ça va kiffer comme un dingue. Il y a un truc, là. Vas-y, Gérard, enchaîne. Seriez-vous prêt... Oh Gérard, on t'écoute. Seriez-vous prêt à danser dans un supermarché? Oui. Pierre. C'est pour moi, c'est que... Oui, s'il y a de la musique, s'il y a de la bonne musique, je suis prêt à danser dans le supermarché. D'accord. Okay. Jeannette. Ouais, moi, ce que je fais, c'est que j'ai dans les rayons CD, j'écoute au casque et là, je me mets à danser comme une folle. Bah ça, c'est tout le monde, là, je pense, à mon avis. Sur quel genre de musique? Sur quel genre? Pierre, il danse pas. Sur quel genre de musique? Sur quel genre? Sur la techno, le rap, l'opéra, le classique, tout, quoi. Hein? Sur la musique classique, tu danses? Ouais, opéra aussi. Oh là, bah d'accord. Non, merci. Laurent? Tu sais, sur Radio Mousquetaire, t'as pas tellement envie de danser. Laurent, si tu continues à citer une marque de magasin, tu vas virer. Tu vas virer grave. Radio. C'est une radio. Ouais, bah même les marques de les stations de radio, d'accord? D'accord. C'est la dernière fois que je te le dis. Ok? Bon, Laurent? Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, je te le dis. Billie Jean? Billie Jean? Oui. Écoute, j'ai pas écouté la question. Gérard, c'est moi, je vais parler au standard. Ah bon? Alors, seriez-vous prêt à danser dans une grande dans un supermarché, pardon? Écoute, s'il y a de la musique classique, s'il y a Beethoven, Mozart, ça met de l'ambiance. Mmh. J'y vais, c'est clair. Ah d'accord. Tu danses sur de la musique classique, toi? Bien sûr, je. T'es comme Jeannette, alors? Bah oui, s'il y a de la valse, du tango, tout ça, y a pas de problème. La salsa et tout, hein. Ah, ça a bien changé le débat. Jean, Ivan? Ouais. Bah, moi, je serais prête à danser s'il y a Fildar avec moi. D'accord. Ouh. Ok, Jean-Luc. Bon, mais moi, quand je vais acheter mes crayons bleus chez... j'adore trop la musique qu'ils mettent, quoi, ça me fait trop triper, alors je prends un petit XE. Et tu me verrais, quoi, c'est grave, quoi, j'adore, je vais tout le temps là-bas, ils mettent de la pure zik. Et j'ai tout le temps chez... parce qu'ils mettent de la zik tonnerre, quoi, c'est grave. Faudrait que tu viennes de Gérard, quoi, c'est... chez... Trop... Bah, tu connais. Alors, moi, personnellement, j'irai jamais danser dans une grande surface. Hein. Jean-Luc, tu veux pas que je te... dans la cave. S'il vous plaît, Pierre et Jean-Luc, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Mais ça, sinon, vous allez gerber tous les deux. Non. D'accord. Pierre. Ouais. Parce que je peux te prendre dans les cabines d'essayage. Non, bon, alors, Jean-Luc et Pierre. C'est pour moi. Pierre, c'était Laurent. Tu prends Laurent et Jean-Luc, Laurent et Jean-Luc, hop. Mais utilisez-vous les produits que vous achetez dans une grande... Ah, mais t'as pas répondu, là. Bah, moi, je vous ai dit que j'aimais pas danser dans les supermarchés. Mais ça y est. Pourquoi? Parce que quand tu fais des courses, t'es pas là pour danser, t'es là pour faire tes courses. Ouais. D'accord. En plus, c'est gratos, tu rentres gratos dans les courses. En fait, la grande surface, c'est une boîte, hein. Non. Mais Gérard, faut rendre l'utile à l'agréable. Ouais. Faut rendre l'utile à l'agréable, faut danser. D'accord. Bon, vas-y. Alors, utilisez-vous les produits que vous achetez dans une grande surface? Ouais. Non. Oui, qui, oui? Bah, Ivan. Oui. Bah ouais, sinon je les achèterai pas. Non, mais explique. C'est-à-dire. Oui, voilà, explique. Bah, si je vais dans un supermarché, c'est quand même que j'ai besoin des produits que je vais acheter. Oui. Donc, autant les utiliser après. Bon, non, c'est pas logique. Non, alors là... Moi, c'est le contraire, c'est pire. Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je les stocke parce que j'ai flippé là, qu'il y a la guerre du golf là. Bon, Pierre, bonne nuit. Allez, hop, ça peut. Être... Il n'a rien dit là, Gérard. C'est vrai, c'est contre lui, je ne sais pas pourquoi. Non, mais il répond à côté de la question. Mais non, il a dit qu'il a stocké parce qu'il avait peur de la guerre du golf. Utilisez-vous les produits que vous achetez dans une grande surface. C'est pas le truc pour la guerre du golf. Et bah lui, il les stocke parce qu'il a eu peur. Bon, il fait là que. Que ça nous attaque, tout ça. Ouais, ben, pour l'instant, j'ai pas le terme du débat. C'est pas le terme du débat. D'accord, Pierre? Alors, c'est la dernière fois que je te le dis aussi à toi. Alors, il y a la discrimination, là. On est en démocratie. Oui, alors moi, je les utilise pas. Je m'en sers d'objets de décoration. Mmh. Et je les empile au fur et à mesure de mon KGB. D'accord. Vous êtes beau. Laurent? Oui, ben, moi, pas forcément. Pourquoi? Parce que d'une part, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Bah ouais, toi, ouais, comme t'es vigile, donc. Des fois, je fais des dons au Resto du Cœur. Mm-hmm. Ah, c'est bien. Pour nourrir ta famille. Ça suffit derrière, s'il vous plaît, pour dire des conneries. C'est Tony. Il est pas là, Tony. Non, rappelez les habituels parce que tu dis. Oh, ça commence à bien faire là, vous laissez parler Laurent, s'il vous plaît, merci. Bah ouais, mais attends, moi je me fais casser depuis tout à l'heure. Non, mais t'inquiète pas, entre Jean-Luc et Pierre, ça va, ils vont se calmer là. Moi je donne au Resto du Cœur, Croix Rouge, Emmaüs, tout ça, quoi. Mm-hmm. D'accord. Parce que moi, les trucs, je les paye pas. Donc pourquoi j'en ferais pas profiter des autres, quoi? L'égoïsme, c'est pas mon truc. C'est vrai, bon? Oui, il va, Billie Jean? Écoute, moi j'achète, je fais des provisions, je fais des stocks, tout ça. Et je les jette, ou je les garde. En fait, ça dépend, hein. Attends, tu as acheté les produits que tu utilises, toi? Comment? Tu jettes les produits que tu utilises? Voilà. Mais pourquoi? Bah écoute, c'est psychologique, hein. Ouais, ok. Ivan? Oui, j'ai déjà répondu. Jean-Luc? Oui. Tu réponds? Bah écoute, moi j'achète pas très cher. Ouais, ça devient lourd. Tu veux parler? Ouais, excusez-moi. Bon, Jean-Luc, s'il te plaît, tu te réveilles parce que ça commence à devenir lourd là. Oui, mais je suis en train de parler là. Non, mais tu te réveilles un peu plus et tu parles plus fort devant ton combiné, s'il te plaît. Quand je vais acheter mes crayons bleus. Jean-Luc, c'est terminé. Pourquoi? Terminé, c'est terminé. Je commence à avoir ras-le-bol de tes conneries. Allez hop, pour Jean-Luc, c'est fini. Manu, s'il te plaît. Pour Jean-Luc, c'est terminé. Ça y est. Oui. Pamela, s'il te plaît, tu raccroches. On va essayer de la joindre. Bon, on a son numéro, Pamela. Minital, s'il te plaît, merci. Et c'est Gérard, c'est Laurent. Oui. T'as le bonjour de ma mère. D'accord, c'est bien. Donc, tu appelles les mamans maintenant. Oh, s'il vous plaît, je vais répondre. Ouais. Donc, alors, les produits qu'on utilise, c'est des produits qui sont de démonstration. Et ça, je pensais que tout le monde allait en parler, mais ça, personne y arrivait à cette question. Mais pourtant, c'était une question qui était à peu près bien. Hein. C'est des produits, c'est des trucs qui sont démonstration. C'est comme le parfum, vous en mettez un peu sur la main pour savoir quelle odeur qu'il a. Et si vous allez le prendre, et derrière, vous avez les produits. Vous avez le flacon. Au début, c'est de la démo. C'était ça, Gérard. Et oui. Voilà. On a mal compris la question. Ah ben, utilisez-vous les produits que vous achetez dans une grande surface, c'est les produits qui sont en démo devant les trucs. Ah, j'espère que c'est pas un trave. Hein. Pamela. Oui. Allô, Gérard. Oui, Pamela, tu réponds à la question, s'il te plaît. Oui, est-ce que je peux avoir la question? Parce que j'étais au standard, j'ai pas répondu. Utilisez-vous les produits que vous achetez en grande surface. Non, pourquoi on les achèterait, Gérard? On n'entend pas que le blanc. Pamela, tu vas te réveiller, s'il te plaît. Non, mais je suis réveillée, Gérard. Oui, mais tu parles un petit peu plus fort. Oui, bien sûr que j'achète les produits, voyez. Oui, non, Gérard. Mais tu te réveilles encore un petit peu plus. Laisse-la parler. Oui, mais ça commence à m'endormir, là, qu'elle parle tout doucement. Gérard, je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. Ah ouais, bah moi aussi. Donc voilà. Tu vas te réveiller, s'il te plaît, merci. Oui, mon amour. Il n'y a pas de mon amour qui tienne, d'accord? Arrête de faire de la lettre à Gérard, il veut que t'en dis. Bon, alors maintenant, vous vous réveillez, s'il vous plaît. Alors, Pamela, pour terminer. Évidemment que j'achète les produits, Gérard. pourquoi je les achèterais sinon? D'accord, merci Pamela. D'accord, Pamela, on a compris. On a compris, c'est bien. Excuse-moi, Gérard. Oui, deux secondes, sur Minitel, il y a Céline qui a 19 ans. Ouais, laisse ton numéro, on peut te rappeler. Okay. Tu veux réagir au débat? Ça va passer les trames. Non, non, non, je veux seulement parler avec toi. Ah non, non, mais c'est bon, moi je veux. Non, je rigole, bien sûr que je vais participer au débat, c'est tellement passionnant ce soir. Alors, pensez-vous. Prenez-vous de. Oui, Laurent. Je voudrais te dire que j'ai des gros cadeaux. Oh, qui c'est qui est mal poli comme ça là? C'est Pamela, hein, c'est ouais. C'est là. Donc, Laurent, s'il te plaît. Non, bah non. Viens là. Non, bah non. Non, je la laisse. Ah, bah, elle sort, on va voir si elle se répond. Voilà. On va sortir, on va la casser. Laurent, vas-y. Les gens qui vendent des produits de démonstration, je peux pas les arrêter, quoi. Non, mais attends, les produits de démonstration, on l'a dit, c'est des trucs que. La bouteille, elle est pas complète, hein. C'est qui le vigile? C'est Laurent? Ouais, c'est Laurent, ouais. Bah, il paraît en ce moment, Laurent, je sais pas si tu l'as vu dans ton supermarché, il y a un moustachu qui traîne et qui voudrait pas mal de trucs. Oui, est-ce que tu l'as repéré? Au rayon de la vinasse, hein, bien sûr, généralement. Ouais. Bon, essayez, c'est plus là. Non! C'est un petit moustachu qui a les. Bah, il a plus de dents, oui, qui a plus de dents. Il a plus de dents et des croûtes sur les cheveux. Qui a un peu de bouc. Avec sa complice, qu'on surnomme Grosse Gata dans le milieu. T'es piégé là, mon patin. Il a même une casquette, hein, je peux te le dire. Alors faites gaffe à lui. Mais non, tu mets jamais de casquette, Gérard. Manu. Oui, bon, je suis là. Je confirme. Et Gérard avec une grosse qui a un piercing. Gérard, est-ce que tu penses que ça t'emmerde? Ça a quelque chose à voir. D'accord, Laurent. Quoi? Alors, prenez-vous de l'importance aux dates de consommation? On va demander à Pamela. Pamela. Oui, bonjour Gérard. Pierre, je peux causer avec toi? Oh là, putain. Gérard, moi je te propose un truc. Gérard. Pamela, ça va pas être possible, on a besoin de la ligne en plus, donc salut. Allez, bonne nuit, allez, ciao. On va rappeler Céline, elle a l'air vraiment chaude. Ivan. Oui. Donc, pour toi? Oui, c'est important quand même. Mais dans quel sens? Bah, c'est-à-dire qu'on peut tomber malade si on ne fait pas attention. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais attends, Billie Jean, d'accord? Je suis pas d'accord. Hein. Bon, Billie Jean, si tu consommes un produit dont la date de consommation est passée. Non, mais attends, Billie Jean. C'est un gros chien, ça après. Billie Jean. Elle est congelée, c'est bon. Hein. Billie Jean. Oui. Je vais te dire une chose, que ce que dit Ivan a tout à fait raison. C'est vrai, pas d'accord. Hein. Ah bah, si t'es pas d'accord, alors tu vas me dire pourquoi maintenant. Tu veux que je te réponde maintenant ou après? Non, mais tout de suite. Écoute, ça veut rien dire, hein, les trucs-là, les dates de consommation, tout ça. Mmh. Ça veut rien dire, quoi, je veux dire. Vous arrêtez de vous battre, là, tous les deux, là? Non, mais on a eu un problème. Non, il y a un petit problème, underground, hein, bien sûr. Ok, Céline, merci. Ouais, mais ça y est, là. Yeah. Et bravo à Fildar, encore une fois. Qu'est-ce que c'est encore cette échelle encore ça? Non, rien, c'est pas grave, mon cher. Bon, alors, Billie Jean. Ouais. Mais alors, pourquoi tu n'es pas d'accord avec. Pendant toutes ces années, hein, depuis que le monde existe, jamais personne n'a crevé parce qu'il a bouffé un truc que la date de consommation c'était un mois après. T'as déjà vu ça où? Mais non, mais t'as la chiasse, tu crèves pas. Non, mais attends, attendez, je vais vous raconter. Laurent! Oui. Vigile? Oui. Oh, tu travailles, s'il te plaît. Oui, je m'arrête. Pense un peu, essaye. Oui, alors, mais attends, c'est dur. Bon, bah, c'est dur, bah, t'as con. Je suis con comme un balai. Attends, non, Gérard, t'es con, tu vas voir, tu as dégagé vite peu, toi. Attends, Gérard, on fait de la radio. Moi, les produits de consommation, évidemment, j'y fais gaffe. Mm-hmm. Parce que si tu manges, par exemple, un yaourt de marque. Bon, hey, Jean-Luc. Oui. Il est parti, Jean-Luc. Réponse, jamais, attends. Laurent. Oui. Tu arrêtes avec tes cises, avec tes conneries de parce que ça commence à bien faire. Tu vas-y, dis mammouth, on s'en fout. Tu réponds correctement à la question, sinon tu vas virer. Écoute Gérard, si on a mis des limites de consommation, il faut en tenir compte parce que sinon on s'en trouve malade, quoi. D'accord. Jeannette? Oui, alors moi je pense que ma date de limite de consommation est bonne. Est-ce que tu penses que la tienne elle est bonne? Et c'est ce qu'on demande justement sur Minitel. Là, je vois pas le rapport avec la question, hein, Jeannette. C'est surtout au niveau des toilettes que tu peux le voir, si t'es périmé ou pas. Mais ça, faut demander à toi. Gégé? Voilà. Gégé? Pierre? Oui, Pierre, donc moi je mange tout périmé, hein. Ouais, voilà, comme mais moi. Mais ça laisse des séquelles terribles parce que j'ai un kiff qui me pousse dans le cou. T'as quoi? T'as les dents qui tombent? T'as quoi? Du côté droit. Mais Gégé? Pierre, c'est bizarre ce qu'il dit là. Pierre, oui, oui, tu réponds à la question correctement ou tu vas gerber? T'as pas entendu? Je te dis que je mangeais tout périmé, que j'ai un kiss qui me pousse dans le cou, j'ai les dents qui tombent. Bon alors Pierre, bonne nuit pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu il n'a rien dit, il n'a pas dit danser et on accueille Reza. Qui? Reza. Reza, raisin, bonsoir. Dit raisin. Bonsoir, Jean. Salut, raisin. Non, c'est raisin. Reza, bonsoir. Bonsoir. Mais je sais. Bonsoir. Oh ouais, merci. Bah alors. Bah alors, tu parlais des produits périmés. Ouais. Prenez-vous de l'importance aux dates de consommation? Ben, ouais, quand même, ouais. Ben voilà. On peut dire ouais, ouais. Mmh. Alors, ouais, attendez, maintenant je vais répondre. T'as le bonjour de ma grand-mère. Laurent, s'il te plaît, t'arrêtes, parce que ça commence à devenir lourd, tes conneries. Mais elle est ouais. périmée. Ouais, je me demande si elle est pas périmée, sa connerie, à lui. Hein. Non, donc, non. Alors moi, je peux vous dire une chose, que tout produit a une date de consommation, et ça, c'est le plus important. C'est alors, la... ça, c'est archi faux. Non, mais ça, attends. Toutes les dates... En toutes les dates. Laissez ouais, répondre Gérard. Alors, ouais, attends, peux... Laurent. Attends, Gérard, c'est Laurent. Ouais, mais Laurent, c'est suffit. Laurent, attends 30 secondes, laisse répondre Gérard. Attends, parce que pour les mousses à raser, les shampoings, tout ça... Attends, t'as pas écouté ce que m'a dit, là. Merci. Voilà. Merci. Donc, alors moi, je peux vous dire une chose, que tout produit a une grande importance, c'est pas spécialement les produits, bien sûr, mousse à raser, tout ça, ça pas de... je vois pas le rapport que Laurent voulait dire. Les produits. Donc, toute marque, tout produit a une date de limite de vente. Donc, une fois que c'est périmé, normalement, dans les grandes surfaces, le responsable du rayon doit les retirer, ne doit pas les laisser en vente. Et ça, c'est ce qui se passe le plus fréquemment à l'heure actuelle. C'est qu'ils remettent des nouveaux produits, et si la date est passée, ils les retirent pas, ils les laissent dans les rayons. Et ça, je l'ai vu récemment encore. Ça, c'est vrai. Ouais, je vais à côté de chez moi, attendez, je vais continuer, et je peux vous dire une chose, une fois j'ai voulu prendre un poulet cuit à côté de chez moi. Il était cru. Non, ouais, il était cru, et en plus la date était périmée. Bravo, c'est vrai que t'es en procès avec Oncle Ben. Ouais, mais t'aurais dû voir, parce qu'il volait encore, il avait des plumes. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Pierre, tu le reconnais pas? Mais Pierre, ça commence à bien faire, c'est petits. Mais c'était pas méchant. Mais moi, Gérard, j'ai une question. Mmh. Ne penses-tu non, pas qu'on devrait mettre une date limite sur de validité sur tes débats? Parce que... À mon avis, ils sont périmés. Ouais, il y en a qui sont vraiment le moisi, quoi. Bah, ça a bien changé, ça a bien changé. Ouais, ça a bien changé, bah, c'est bien périmable. Je me rappelle du temps où il y avait Tony, Ernest... Ouais, mais ça, je peux vous dire... attendez, maintenant, non, je vais vous raconte. Attendez, laissez répondre Gérard, maintenant. J'ai demandé à ce que, depuis la semaine dernière, j'ai demandé à ce qu'on fasse des débats corrects, que j'évite de gueuler. C'est pour ça que maintenant, les débats seront comme ça. Et j'ai redemandé à ce que l'équipe soit plus sympa qu'au départ. Maintenant, c'est fait. Donc, je garde les deux mêmes. Et je ne changerai pas mon équipe. Et Olivier, il est où? Non, Olivier, il ne fait plus partie de mon équipe. Ah non, vous dégueulasse. Oui. Ouais. Je trouve que ton équipe, elle a toujours été sympathique. C'est toi qui l'étais pas au début. Ouais, non. Je suis en train de gueuler. On s'échappe du débat. Mais hein, okay. T'as raison, Gérard. Celui qui a un téléphone, là, ça commence à bien faire. Merci. Gérard. Oui. Alors, pourquoi tu prends plus Tony? Parce que dans le débat, c'est une ping-pong. T'as dit que tu le trouvais sympa. Non, mais attends, parce que Tony. C'est hors sujet, tout ça. Et ça, c'est hors sujet, d'accord. J'ai une question à te poser. Oui. Je voulais te dire, est-ce que vraiment dans ta vie, t'es jamais arrivé, par exemple, d'acheter un poulet? Hier, il y a un qui est sympa, Tony. Comme t'as dit que c'était périmé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu jettes ou tu le bouffes quand même? Ah bah moi, je... Franchement, non, mais attendez, s'il vous plaît, là, vous parlez pas tous en même temps. Donc ouais. Moi, le poulet, une fois que, quand j'ai vu qu'il était comme ça, ouais. Je l'ai viré. Et j'étais voir le responsable du magasin. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais. Fallait le ramener. Bravo. Alors moi, je vais dire une chose, une fois que le poulet, pour moi, une fois que, si, là, déjà, je lui ai dit, vous avez pas laissé ça, il m'a dit de manière, fallait nous le ramener, je vous aurais remboursé. Non, mais attends, le mec, Mais c'était dans quelle surface, j'ai? Mais c'est à côté de chez moi, je donne à pas Carrefour. De... Non, je donne pas de, je cite pas de magasin. ED, ouais. ED? Non. Intermarché. Non, mais ça sert à rien de continuer, je ne citerai pas la marque du magasin. Mais Gérard, je vais te poser une question, oui. Pour Jeannette. Oui. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des dates de limitation dans les chattes et les bites? Ah bah ça, dans ouais, les non, c'est de Gérard. Bon, hors sujet, là. Bah non, on parle de périmé, hein, date de consommation. Ouais, qu'est-ce que tu veux mettre une date de limite sur une chatte? Bah, est-ce que tu penses que toi, tu vas avoir une date de limite? Moi, je renvoie la balle. Est-ce que tu devrais... Attends. Moi, je trouve que ma date de limite, elle est bonne. Mais est-ce que la tienne est bonne? Ah bah alors, si tu trouves que la tienne est bonne, la mienne aussi. Ah bah, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Hein? Est-ce que tu crois qu'on va en mettre sur les cigarettes ce que tu fumes? Non. Donc, on s'échappe là du sujet. Je voudrais faire seulement une petite pause par le Minitel, justement, en parlant de Céline, qu'on essaie de rappeler tout à l'heure. Si tu veux venir à la radio, ma chérie, il n'y a pas de problème, on t'attend. Elle doit être chaude, alors. Gérard, Fildar, oui. Fais attention, on a eu Pamela tout à l'heure. Non, non, mais ça va. Je te le rappelle et je te remercie d'avance. Et je t'embrasse. Non, mais celle-là, je l'attends au virage, celle-là. Enchaîne les questions, Gérard. Bon, vous auriez... Oui. Pourquoi tu veux plus d'habituel? Parce que je veux plus d'habituel, c'est tout. C'est pas le thème du débat, d'accord? C'est pas le thème du débat. Les débats, c'est les grandes surfaces. Voilà. Donc, oseriez-vous faire l'amour dans un rayon d'un supermarché? Oh non, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, Jeannette. Oui, il y en a marre du cul dans tes pierres. Ouais, exactement. Pierre, oui. Un peu de cul. Oui, j'aimerais bien au rayon alcool. Non, pourquoi? Attends, pourquoi? Ouais, Gérard, comme ça, attends, Reza, s'il te plaît. On la pose alcool. Pas d'accord. Jeannette? Oui, alors moi j'aimerais bien faire l'amour avec toi, Gérard, dans les rayons fruits et légumes, comme ça on pourra utiliser les carottes, les concombres. Bon, mais Jeannette. Oui. Je commence à l'avoir marre qu'à chaque fois vous me disiez vous voulez faire l'amour avec moi, je vous ai déjà dit que mon cœur était Gérard, pris. Je t'aime, Gérard, tu comprends? Mais maintenant, fallait vous réveiller avant. Peux plus, mais maintenant, mais fallait vous réveiller avant. Gérard, mais c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat. Tu peux répondre au débat, Gérard? Laurent. Oui, ben moi je vais dire Gérard, ça m'est déjà arrivé, quoi. D'accord. Tu veux que je vous raconte, non? Vas-y. Non, mais attends, Billie Jean, s'il te plaît. Non, j'ai envie d'écouter Reza, moi. Non, mais attends, pour l'instant, tu vas te calmer, parce que sinon, tu vas gerber, toi. C'était un soir, on faisait l'inventaire, j'étais avec une caissière qui est maintenant ma copine, et c'est chaud, là. On s'est embrassé et on a fait l'amour dans le rayon... Spaghetti tout ça, quoi. Hein? Non, mais ça arrive tous les jours, hein. Attends, dans quel rayon? Attends, Billie Jean. Tout ça, quoi. Dans le rayon couche? Bah, couche, serviette, tampax, quoi. Ah, d'accord. Ça, à mon avis, elle devait avoir sur Amiania. Ah, bah oui. C'est clair. À mon avis, c'est une fille de 8 ans. Hein. Mais ouais. Ça arrive tous les jours, hein, ce genre de situation. Tiens, vas-y, comme tu veux répondre. C'est Billie Jean? Ouais, mais. Oui, c'est Billie Jean, hein. Et question bête, réponse bête, hein. C'est Billie Jean, hein, à qui je demande maintenant. Donc pour revenir à ce que disait garçon, c'est vrai que ces situations, ça arrive tous les jours, quoi. Non, bah ouais, d'accord. Donc je te réponds, moi, c'est négatif, hein. Mais d'accord. Négatif. Ivan, Laurent, je peux poser une question. Ivan, attends, 5 minutes, Laurent. Ivan. Moi, uniquement dans le rayon bonbon avec Fildar. D'accord. Ah bah, qu'est-ce que vous en voulez à Fildar, là? Gérard, c'est Reza, je peux répondre? Ouais, bah vas-y maintenant. Ouais, ça fait longtemps que j'attendais, hein. Vas-y. Alors, moi, je voulais juste raconter une petite anecdote parce que ça m'est arrivé dans un supermarché. Donc, j'ai rencontré une femme assez belle, en fait. Parce que comme je suis très beau gosse, tu vois, les femmes belles, c'est vrai. Il y en a qui vont avoir les chevilles enflées, hein. Non, ça va, tranquillement. Ça va, tranquille. Quand les beaux gosses comme nous, c'est dur. Hein. Ouais, non, mais elle coûte pas cher, hein, cette année, hein. Continue mon histoire, Gérard. Ouais, dépêche-toi, parce que je vais répondre, après on va faire une petite pause. Voilà, je continue, je vous explique. Donc, j'étais avec une très jolie femme et on s'est rencontrés dans un supermarché. Et comme c'était presque l'heure de la fermeture, on s'est dirigé vers le coin camping et on s'est laissé enfermer dans le magasin toute la nuit, quoi. Ah, d'accord. Dans une tente. Ouais. Merci. C'est pas mal. C'est vachement bien comme situation. Laurent, je peux te poser une question. Deux secondes, Laurent, je reviens sur mon histoire avec Céline, là, la chaude du Minitel, là. Elle dit, je déconnecte, j'arrive, me laisses-tu rentrer si je suis mignonne? Qu'est-ce qu'on fait? J'irai voir avant. Attendez. Céline, si t'es belle, je te laisse rentrer. Si t'es pas belle, tu resteras dehors. Attendez, les auditeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si elle est belle, elle descend. Si elle est pas belle, elle restera en haut. Oui, mais moi, ce que je voudrais rajouter, c'est connaissant les goûts de Gérard, on va monter moi et Fildar aussi. On montrera tous, on prendra le casque HS et on montrera tous voir ce qui se passe là-haut. Non, c'est toi qui HS. Fildar, tu restes en bas. Bon, Gérard, pose la question. Non, réponds à ta question. Ouais, je vais déjà répondre. Dans quel rayon? Dans quel rayon que je voudrais faire l'amour? Eh ben, c'est Jeannette qui en a parlé, je crois, du rayon. Les légumes. Voilà. Parce que c'est mieux, t'as les carottes, t'as les concombres, t'as les bananes. Voilà, un concombre c'est toujours plus gros qu'un coton-tige. Voilà. Voilà, tu préfères pas le rayon propreté avec les cotons-tiges? Non, mais c'est bon, ça suffit, ok? Un rayon je peux te poser ma question? Oui. Est-ce que tu peux me dire la différence entre un super et un hypermarché? Bah, je vois pas c'est la différence. Hein. Non, il y a une différence. Ah, Gérard, en plus, elle est certaine. Les auditeurs attendent la réponse, Gérard. Non, mais avec manière, c'est pareil. Je vois pas. Non, Gérard, c'est pas pareil. Pourquoi? Attendez. Pourquoi? Bah, hyper, c'est pas pareil que super. Donc, c'est... Moi, je suis super métrope, c'est pas pareil que hyper métrope. Ah, d'accord. N'importe quoi. Auriez-vous des fantasmes avec un caddie? Oh, oui. Oh là là. On continue. Non, mais vous allez réfléchir. Ah, oui. Donc si vous voulez toujours nous contacter, il vous reste encore une petite demi-heure. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0800-75000. Deux secondes. Et toujours le 3615. Code Fun Radio, rubrique directe. Combien qu'on a de connectés, s'il te plaît, Fildar? 47. Ah bah c'est bien, c'est pas mal. Hein. Ça augmente toutes les semaines. Et ah bah c'est bien. Alors, dans la fenêtre d'une fille avec le cochon, ça pulse. 1, 1, Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter le disque dans la foulette d'une fille avec des cochons. Ça pulse. Ça pulse, c'est Rico qui a mixé ça et je trouve ça super. C'est donc super les auditeurs, hein. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous jouez le rôle de muette. Ils s'en foutent. Quoi? Ils s'en foutent. C'est un rôle total. Et on accueille... Hé, hey, bande de câbles, là. Excusez-moi. Oh. Quoi? Non, on accueille Tom. Hein, je voulais féliciter le gars qui a fait le remix. Ben c'est Rico. Rico, et je croyais que vous vous en... Rico, il a sur trop. Je croyais que vous vous en foutez de ce qu'on disait. On accueille Tom. Oui, on accueille Tom, bonsoir. Salut Tom, et vous, Olive? Salut, comment ça va? Donc, salut, bon, ça y est. Salut, Reza. Bon, ça y est, oh, c'est loupé. Est-ce que Campflex est là? Non, il n'y a pas de Campflex. Je hurle encore plus fort, on t'entend pas. Waouh! Ouais, là, tu m'entends? Ouais! Super. Alors, trouve le vrai GG. Auriez-vous des fantasmes avec un caddie? On va demander ça à Reza. Ah, bah ça tombe bien que je commence. Ah ouais, bah tu as commencé. En fait, c'est pour en revenir à la nuit. C'est pas un fantasme, moi, c'est un fantasme que j'ai réalisé. Donc, le soir où j'ai donc fait l'amour avec une superbe créature dans un stand de camping. Ouais. Bon, comme on a passé toute la nuit là-bas et que... moi, je suis informaticien, électronicien, on avait débranché toutes les caméras de surveillance. Mmh. Enfin, j'avais répété les bandes des heures de la veille, mais je ne vais pas vous expliquer ça en détail. Et donc, excusez-moi, je continue. Et au bout de quelques heures, on en avait marre de tester toutes les tentes, tous les matelas gonflables là-haut et différents, quoi. Donc, on a testé avec le caddie, différentes positions. Je peux vous dire que la grille, ça fait mal quand même. D'accord. Et à quel moment elle s'est dégonflée, Ivan? Avec un caddie, non, mais avec Fildar, ouais. D'accord, tu l'auras tout à l'heure en antenne, Fildar, hein. D'accord, merci. C'est passé du caddie au cajou, alors. Oui, alors moi, j'ai effectivement déjà fait l'amour avec un caddie. C'était avec Benny G's, hein, chez... Et donc, en fait, je l'ai mis, tu sais, là où on met les petits enfants, tu sais, dans le caddie. Ouais. Et en fait, moi, j'étais en dessous et puis je lui faisais un cunilingus. D'accord. Et on lit. Laurent. Moi j'ai pas de fantasme là-dessus, tu vois, parce que je me demande comment je pourrais mettre ma copine dedans ou même, tu vois, le manipuler, parce que c'est bizarre comme objet quand même. Mm-hmm. Ouais. D'accord. Je trouve ça bizarre, quoi. Je sais pas, t'as des fantasmes, toi, avec ça? Non, personnellement, non. Pierre, s'il te plaît. Donc, oui. Moi, j'ai jamais réussi à faire l'amour à un caddie parce que la fente de la pièce de différent, elle est trop petite. Tom? Moi, écoute, Gérard, moi je l'ai déjà fait. J'étais assis dans, tu sais, sur la petite place où on met les enfants là. Ouais. Et ma copine, elle poussait le caddie. On était dans un petit rayon sympa. Et c'est vrai qu'elle me faisait une petite gâterie en même temps, quoi. D'accord. Moi, je peux vous dire que j'ai jamais fait ça et ça m'étonnerait que je le fasse. Hein. Pourquoi? Si, t'as répondu, Billie Jean. Non, j'ai pas répondu. Si, t'as répondu, s'il te plaît. Non. Mais Gérard, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu mets Sandy dans un caddie, elle déborde de côté aussi. Pierre, tu te calmes, s'il te plaît. Non, parce qu'elle a les sacs. Non, il faut deux caddies. Pierre, tu te calmes, s'il te plaît. Ok, c'est raison. Non, pour l'instant, je demande à Jeannette. Mais c'est juste un petit conseil. Mais t'as répondu, mon chéri. Jeannette, elle a déjà répondu, c'est Billie Jean. Oui, Billie Jean. Oui, écoute, le caddie, ça fait partie des fantasmes de l'homme, hein, c'est clair. C'est clair. Et donc... Gérard, c'est Laurent. Oh, ça suffit, Laurent. Attends, Laurent, 30 secondes. Attendez. Laurent, chacun son tour. Oui, mais on s'en fout, Laurent, tu te cannes. Merci, Manu. Donc, je continue. Donc, je dis, en fait, ouais, ça me plairait bien quand même sur un caddie, quoi. D'accord. Avec la sensation des barreaux, c'est cool, quoi, c'est clair. Ok. Voilà. Donc, Laurent, tu voulais dire un truc? Ouais, je veux dire que... Oh, Reza, s'il te plaît. Alors, ça commence à bien faire. Le début du débat sur les grandes surfaces, tu nous dis qu'il ne faut pas te citer de marque, mais pourtant, caddie, c'est une marque. Hein. Normalement, on dit un chariot. Ouais, alors? Bah, tu dis qu'il faut pas citer de marque, alors que tu fais de la pub pour caddie en ce moment. Non, mais je vais te dire une chose, qu'un caddie, c'est un chariot, et alors je peux mettre très bien caddie, parce que caddie, il y a longtemps que ça n'existe plus comme surface. Voilà, exactement. Neuvième question. J'ai pas fait mon anecdote sur le caddie, c'est Reza. Bon, Reza, ça suffit, allez hop, bonne nuit, toi, parce que tu commences à me dégonfler, toi. Manu, s'il te plaît, tu me retires Reza. tu n'aimes pas. Non, mais pourquoi il pouvait parler. Il avait une anecdote. Hey, il est déjà moins de quart, il reste encore 3 alors, il reste 3 questions, donc je voudrais qu'on active un peu. Non, mais vas-y, Reza. Bon, on peut écouter Reza ou pas? Non. Reza, mange-toi vite fait, parce que ça commence à bien faire tes anecdotes. C'est si vous faites l'amour dans un caddie, mettez les freins. Voilà, ça y est, c'est ça que tu voulais dire. C'est tout, c'est toi qui m'as pas laissé parler. Oui, non, okay. Et toi, Gérard, t'as le fantasme? Non, j'ai pas de fantasme avec un caddie, voilà. Ouais, t'as rien du tout, toi. Si ça te plaît pas, ma petite, c'est le même prix. Si, bon, quatrième question, s'il te plaît. Ça faisait longtemps, celle-là. Pourquoi que les grandes surfaces ont cédé? Quoi? Je peux poser la question, au lieu de se marrer? Merci. Écoute. Pourquoi que les grandes surfaces ont cédé ne sont pas mieux organisées? Et ça, c'est vrai. Quoi? J'ai pas compris, là. Pourquoi que les grandes surfaces en CD ne sont pas mieux organisées? Alors là, je sais. Alors vas-y, qui c'est? Laurent. Ouais, ça, parce que les grandes surfaces sont des magasins d'alimentation, balais, tout ça. Mmh. Et ils savent qu'ils n'auront jamais le monopole sur les magasins spécialisés de CD. Donc ils s'en occupent pas. Donc ils laissent ça tomber et ils mettent ça en plan, quoi. Ils n'en ont rien à foutre, en fait. D'accord. Reza, j'espère que ça va pas être avec une anecdote, parce que sinon tu vas gerber. Non, pas du tout. Par rapport, moi, je voulais dire qu'on trouve de bons organisateurs sur CD-ROM, quoi. Déjà, par rapport à ça. Et ensuite, les CD, ça fait partie du marché de la musique. T'achètes des CD dans les supermarchés, vu que les CD les plus vendus, c'est la merde quotidienne qu'on entend sur pas mal de télé, on va dire. Mmh. Et de radio aussi. Reza, dans ce cas-là, moi je vais te poser une question. Vas-y, je t'en prie, ça me fait plaisir. Donc, attendez, Laurent, s'il vous plaît. Laurent, s'il te plaît. Non, mais je veux le changer. J'arrive. Ok, tu vas. Donc, Reza, tu viens de dire qu'il y avait des certaines radios qui passaient de la merde, c'est ça? Ah non, j'ai dit des radios, j'ai dit des télés, Gérard. Oui, mais t'as parlé aussi des radios. Si, Reza, t'as parlé des radios. Oui, même j'ai entendu Fun Radio, moi. Oui, mais attends, justement. Jeudi soir. Moi, je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, ce que passe à l'heure actuelle, Fuldart, toutes les trucs qu'on vient d'écouter, puis ce que passe... Tout était bien, Oui, mais attends. Non, mais dans ces cas-là, ce que Fun passe, alors c'est de la merde aussi pour toi. Non, mais attendez, laissez-le répondre. Comme il a dit qu'à la télé, il a dit des radios. Donc est-ce que sur Fun, c'est de la saloperie qu'on passe? Je vais te répondre franchement. Vas-y. Moi, j'écoute pas les disques qui passent sur Fun. J'écoute pas les disques qui passent sur les grandes autres radios. Et voilà, ça me plaît pas, c'est normal, c'est les goûts et les couleurs. On est en démocratie, hein, Gégé. Toi, Gérard, est-ce que tu aimes tout ce que Fun Radio passe? Oui. Oui? Bah, putain, tu rentres bien dans les normes. Faux cuve. C'est normal. Non, mais moi, j'aime toute la musique qui est passée. Il se trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas de faux cul qui compte, c'est attends, tout. J'ai pas fini. Non, mais c'est pas le thème du débat, d'accord? Voilà. On est en train de parler dans les supermarchés. Donc, c'est pas le thème du débat, d'accord? On va aider dans les supermarchés. Voilà. Réponds. Donc, Ivan. Ouais. C'est bien organisé. Pourquoi? Non, ça serait pas mieux organisé. Non, c'est bien organisé, je trouve. Moi, je pense pas. Hein. Pourquoi? Moi, je les retrouve. Ah ouais, mais moi, je vais te dire une chose, quand tu cherches quelque chose, tu mets facilement un quart d'heure pour trouver ce que tu veux. Moi, je trouve que Billie Jean, je réponds à Ivan, je suis désolé, moi, je vais te dire une chose, que j'ai cherché un CD, je sais plus quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est... Pour, non, c'est pour la Saint-Valentin, je crois, pour Sandy. Ah, c'est Miss Rousseau. Je peux te dire une chose que... s'il vous plaît, merci. Donc, je peux te dire une chose, que ça serait mieux organisé s'il y avait les CD qui étaient mieux rangés par lettre, par ordre alphabétique. Ouais, mais pour ça, Gérard, c'est pas bon, faut connaître ton alphabet. Non, mais attends, Gérard, je vais t'expliquer un truc, ils ont inventé un truc super, qui est vachement intelligent, c'est des gens, tu vois, qui sont dans les rayons et à qui tu peux demander des renseignements. Ouais. Voilà, ça s'appelle des vendeurs. Ils ont rien. Tu leur demandes un CD, ils me disent, c'est là, c'est là-dedans, vous regardez, c'est tout. Ouais, c'est clair, si tu veux. C'est tout, c'est tout. Billie Jean. Billie Jean. Oui. Tu réponds? Oui, écoute, moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec toi. Donc, alors, pourquoi? Pourquoi que t'es pas d'accord? Pourquoi que t'es d'accord déjà, pour commencer? Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que. Et pourquoi t'es pas d'accord? Et après, pourquoi? C'est vrai que c'est le bordel que le vendeur, il t'en va balader, il dit, ouais, cherchez par-ci par-là. Tu retrouves pas. Et deuxièmement, je suis pas d'accord parce que quand même il y a le vendeur qui peut t'indiquer quoi. Mmh. Donc, tu reviens à ce que je disais, que ça soit mieux organisé par ordre alphabétique, voilà. Avec les lettres, comme je sais plus dans quel magasin que j'ai vu ça récemment. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, t'as A et ensuite t'as Z. C'est pas possible. Mais en fait, Gérard, je connais pas ton alphabet. Laurent? Non, excuse-moi, c'est parti, Gérard, c'est Reza, j'ai pas fini tout à l'heure. Non, mais c'est bon, Reza, ça commence à devenir... Non, Reza, pas d'anecdote, mais si t'as une petite histoire, hein, pourquoi pas. Jeannette? Oui, alors moi, je suis un peu d'accord avec toi, Gérard, parce que les disques ne sont pas classés, les vendeurs sont chiants, et par rapport au magasin FNAC, je veux dire, j'ai jamais acheté de CD en grande surface, parce que je trouve que je m'y retrouve pas du tout, les cases qui marchent pas, tandis que la FNAC... C'est classé et tout, et les vendeurs sont hyper agréables, ils prennent le temps de t'accueillir, et puis ils te renseignent très bien. Quoi. Mais en fait, attends, s'il te plaît, Billy Jean. Oui, je te pose une question après. Jeannette. Oui. Donc, tu viens de citer la FNAC, maintenant on peut le dire. Pas de marque, Gérard. Mais j'en fous. Est-ce que t'as été voir déjà au Virgin? Oui, c'est pareil. Oui, non, mais attends, au Virgin. Est-ce que tu y as déjà été? Est-ce que tu as vu? Oui, bah c'est très bien classé aussi, c'est comme la FNAC. Oui, bah d'accord, tu peux le dire, on s'en fout. Maintenant, je sais, je voulais te dire un truc, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, d'accord? Est-ce que tu es d'accord, par exemple, quand tu as le classement, et tu as la lettre A, et ensuite tu as la lettre E? Est-ce que tu es d'accord? Mais non, mais ça, bon, c'est sûr que... c'est un classement par voyelle. Voilà, ouais, mais t'es d'accord ou pas? Non, mais je sais que c'est vraiment bidon leur truc. Non, mais c'est lui qui a décédé, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Petite Pierre. Pause Minitel, excuse-moi Gérard. Pas mal, on a encore 57 hein, sur le Minitel, donc allez-y. Hein, encore 3, il explose. Voilà, continuez à vous connecter. Sinon, il y a Sophie du département 33-22 ans qui est chaude. Alors laisse ton numéro, on va essayer de te rappeler pour la fin du débat. Ok, moi je vais j'ai une petite anecdote. Pierre! Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est mal placé. L'autre fois, j'ai trouvé le CD de Ricky Martin entre deux côtelettes au rayon boucherie. Non! T'as quoi, il était bien classé? Bah ouais. Pierre! Mais attends, Ricky Martin, c'est pas de la viande quand même, merde! Pierre! Non, c'est pour les deux. Pierre! Oui! Tu te calmes, s'il te plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Tu te calmes? Oui, d'accord. Non, mais je suis calme. Donc tu réponds comme il faut à la question. Non, mais c'est vrai, c'est du vécu, mais j'ai une vie, Tom, il se réveille que le jeudi soir. Ouais, bah moi, Gérard, je suis d'accord avec toi, mais la dernière fois, c'est pareil, je vais dans le rayon disque, puis j'arrive au bout du rayon, je sais pas, il y avait une grande poubelle, il y avait plein de trucs dedans, tu sais, style To Be Free, tout ça, alors, je sais pas. Non, mais ça... mal rangé, quoi. Non, mais attends, mais on s'en fout de toute manière... On peut lancer un appel, Gérard. Non, on s'en fout pas, parce que moi, je voulais acheter le CD pour ma petite sœur, et j'ai trouvé comme ça dans une poubelle. Non, mais moi, ce que je demande, moi, c'est que... déjà, qu'on soit mieux accueillis dans les grandes surfaces, qu'on leur demande quelque chose au rayon 10, ça serait déjà mieux. Parce que si on est mal accueillis, c'est pas la peine. C'est sûr que si tu leur demandes Dasfuck, ils vont pas te comprendre. De toute manière, ils sont... je vais dire une chose que les Dasfuck... Les Dasfuck, je les ai maintenant, alors je les ai tous. Il y a le numéro de portable de GG qui tourne. Les deux chez toi. J'ai tous les clips des Dasfuck et je peux vous dire que là, je suis en train d'en voir un Serpent TV à l'heure actuelle. Mais c'est le dernier. GG? Quoi? Il paraît que t'es fan des 2B3 et G-Squad, c'est vrai? Jamais, moi. Bah si, GG, à ce que j'ai entendu dire, hein. Ouais, bah, ce que t'as entendu dire, c'est des conneries, d'accord? Stop, s'il vous plaît. En plus que dans l'entrevue de ce mois-ci, t'es sous la douche avec eux, donc... Ouais, c'est ça. Poussez-vous. Alors là, c'est une question. C'est Fildar qui va être content, parce que c'est lui qui l'a rectifié. Poussez-vous votre queue nu tout nu sans chaussettes. Pardon? Poussez-vous votre caddie tout nu sans chaussettes. Ça, c'est plus d'accord qu'elle posait. Gérard, c'est raison, je peux répondre en premier, comme ça, ce sera fait. Ouais, parce que tu commences à nous faire chier. Tu commences à nous faire chier. Moi, ça m'est arrivé, mais comme je vous ai dit, il y avait une superbe créature dans le caddie que je poussais pas que le caddie, quoi. C'est une anecdote? C'est une anecdote, c'est nul, encore. C'est nul. Bah, c'est pas une anecdote. Non, mais ça commence à devenir. Reza. Ouais. Ça commence à devenir lourd, tes réponses. Gérard, cet homme, je peux répondre? Non, on va demander à Ivan, comme elle adore Fildar. C'est une belle question, parce que c'est Fildar qui l'a posée, mais non, facile. Je ne pose pas mon caddie comme ça. Quoi. D'accord. Billie Jean? Oui, écoute, GG, très sincèrement, être toute nue avec des chaussettes, ça le fait quand même. Ouais, est-ce que tu as déjà poussé un caddie tout nu avec des chaussettes? Bien sûr. Ouais, d'accord. Bah écoute, GG. Oui. Ça existe les supermarchés dans les places du 10. T'as pas entendu parler ça? Non. Comment? Ouais, mais ça y est, vous arrêtez de vous engueuler là, tous les deux. C'est juste à Fidar que Pierre c'était Tony, c'est tout. Voilà, ben on l'a reconnu. On l'a reconnu. Oh non, c'est vrai, c'est Tony. Ouais. Maintenant, tu réponds comme. Non, mais je voulais seulement savoir si Tony, comme dans le premier débat, il poussait le caddie avec sa quéquette. Attends, il n'a pas besoin de ses mains. C'est pas un caddie, t'as pas suivi Fidar, c'était. Attends, c'est quoi, une Formule 1? Ah oui, maintenant qu'il y a le débat sur la grande surface. Vas-y. Ouais, c'est Reza. Ah non, Reza, tu commences à me le gonfler là. Reza, reviens dans le studio si je peux me permettre. Bon, Reza, t'écris un livre et puis tu vas. Je peux répondre? Pierre? Ouais. Donc, non, moi je pousse pas le caddie avec la quéquette parce que ça se croise entre les barreaux. Ah. Ouais, c'est pas la question, hein. Hein? C'est pas la question. Bah, si, c'est Fidar qui me l'a posé. Quoi? Bah, attends, si t'es tout nu, t'as la quéquette à l'air. Bah, ouais, alors. Tom? Donc, tu peux baiser, c'est bien ce que je dis. Ouais, silence, à moins de répondre. Bah, écoute, ouais, Tom, tu vas te calmer, s'il te plaît. Bah, non, mais c'est Reza, il fait que de parler. Bon, vas-y, allez-y, on va pas se battre. Bah, non, parce que ça tombe bien cette question, parce qu'hier, j'ai été justement à côté de chez moi. Dans un hypermarché, j'ai vu que quelqu'un qui poussait un caddie tout nu, alors c'est peut-être Reza, je sais pas. Oh, le pauvre, il en prend plein la son. Bon, la dernière question. Ah, on va se toucher. Et toi, Zézé? Moi, personnellement, non. Et moi, j'ai pas répondu. Ah, Jeannette, au fait, ouais. Ouais, alors moi, tous les samedis soirs, je pousse mon caddie tout nu. Avec, autour du parking du CRRR. Où ça, j'arrive. Carrefour. Ouais, bah, le carrefour, quoi. Lequel? Aulnay. Ok. S'il vous plaît. Bah attends, Gérard, on est en train de conclure un rendez-vous là. Non, non, mais vous conclurez votre rendez-vous. T'es jaloux, Gérard. Vous conclurez votre rendez-vous après l'émission, c'est-à-dire après. Bon, sans vouloir foutre la merde, il reste 4 minutes, donc on va essayer de finir vite. Oui. Alors pourquoi qu'il n'y a plus de rap dans les bacs techno ou rock alternatif fusion jazz? Question posée par Max. Elle est quand même pas mal. Parce qu'il dérange, non? Donc je réponds. Ouais. C'est Billy Jean. Ouais. Écoute, Gégé, pourquoi il n'y en a pas? Parce que aujourd'hui, il y a une fusion de la musique. Donc il y a la techno qui fuse avec le rock, avec la house, avec la dance, tout ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, on mélange tout, quoi. Okay. C'est pour montrer aux clients qu'il y a fusion de musique. Ok, Tom. Bah écoute, moi je comprends pas, parce que dans les hypermarchés où je vais, je trouve tout, hein, je trouve tout ce que je veux. D'accord. Pierre? Pareil. Pareil. Jeannette? Pareil. Pareil. Ivan? Pareil. Pareil. Reza? Attends, Reza, c'est une petite histoire. Allez, avec ces anecdotes. Alors vas-y. Alors moi, déjà, en tant que Reza, moi je suis producteur de rap, donc comme ça parle de rap. Ouais. Et je voulais dire que moi mes disques ils sont pas dans les supermarchés tout simplement, donc ils peuvent pas être mélangés avec les autres genres de musique. Bon, on a peut-être une famille à Reza, c'est Merté. Non, c'était juste. Non, mais c'est bien là au standard là. Tu as compris, Gérard, ça là? Non, non. L'autre là, qui voulait participer à la fin du débat, rappelle quand celle-là? Sophie, elle a marqué bon bah je pars, bonne nuit, dommage, Gérard, t'as qu'une grande gueule. Bon, alors va te faire sauter, ça va être pas. Gérard, les statistiques là. J'ai dit pétage, j'ai pas dit salope, d'accord? Mais alors, qu'elle se faire sauter si elle a envie de dormir. Bon, allez, stop. Conclusion. Conclusion, en 2 minutes, on va demander à... On va commencer par le monsieur de l'anecdote. C'est moi. Reza. Ah, ça me fait plaisir. Alors, conclusion sur les supermarchés? Ouais. Non, c'est la différence d'âge. Alors, par rapport à la différence d'âge des supermarchés, moi, je préfère aller dans les plus gros possibles, en fait. En formule. Parce que comme ça, je peux rencontrer un maximum de jolies femmes. Et en fait, moi, je voulais juste dire un truc qui m'énerve dans les supermarchés, c'est tous les gens qui ont des portables. D'accord, allez, c'est bon, on a compris. Bonne nuit à toi, Reza, et à la semaine prochaine si tu veux continuer, ok? Ivan? Bah, le thème était bien trouvé, les questions étaient égales à elles-mêmes, et puis il n'y avait pas trop de bordel. Non, bah non, bah depuis que, content, quoi. Depuis que j'ai changé mon. que j'ai fait une réunion avec l'équipe, c'est pour ça. Oui, chef. Donc, ok, je te remercie, Ivan, et je te dis peut-être à la semaine prochaine pour le débat. Oui, j'ai. Billy Jan? Écoute, j'ai débat fort intéressant. Ouais, tu travailles au lieu de sucer, là, parce que... Ah ouais, quoi? De quoi, Zézé? Ah, vas-y, accouche! Écoute, je te dis... Accouche, pousse! des vachement intéressants. Des couches. Les questions, elles étaient très bien. Mmh. Et bien marré. Dommage que t'as pas trop gueulé, quoi, c'est ça. Non, bah, je gueulerai plus maintenant, c'est tout. J'avais des thèmes de débat et je sais pas si ça t'intéresse. Bah, tu les envoies, c'est tout. Mais je les ai envoyés, tu m'as jamais répondu, je l'ai. Tu les as envoyés quand? C'est pas grave, on va gérer ça en rentrée. Oui, on gérera ça plus tard. Jeannette? Oui, alors moi, je préfère les... Finalement, je préfère les grandes, vieilles, grandes surfaces de Formule 1. Et puis, je te fais une soupe de langue bien, bien baveuse. D'accord, ben moi, je t'en fais pas. Tony? Ouais, donc moi, je voulais dire, ouais, ça s'est bien passé. Moi, c'est dommage que tu gueules beaucoup. Mais je suis pas très content parce que j'ai pas encore reçu le faire-part de mariage. Bon, tu l'as pu ressauter, d'accord. Ouais, c'est pas sympa. Hein. Non, c'est pas sûr encore qu'il se marie. Hein. Ça se trouve, ça a capoté avant. Hein. Ah, d'accord. Tom? Bah écoute, moi Gérard, je suis un peu déçu. Je suis arrivé le dernier, donc j'espère que la semaine prochaine, vous penserez un petit peu à moi. Mm-hmm. Sinon, bah très bien, Gérard, égal à toi-même, impeccable. Quoi. Bah, ok, je te remercie. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir. Donc, bah, moi, je peux vous dire une chose, ça fait la deuxième semaine que ça se passe bien, donc j'espère qu'on va continuer comme ça toutes les semaines. Donc, les deux thèmes de la semaine prochaine. Ah, ouais. Les filles, Gérard. Les poupées gonflables et le dépannage. Donc, vous allez retrouver... Rousseau pour la nuit sans pub. Donc je vous dis à la semaine prochaine et on s'écoute un petit remix comme tout le monde est sage. Surprise. Qu'est-ce que c'était chiant ce soir. C'était une merde. Il était une fois l'histoire d'un homme qu'on appelait Gérard. Chaque nuit, seul dans sa cabine, il appelait Max, grand-mère, Jura, toi qui attends dans ta cabine, tu es en danger, Jura. La nuit t'enveloppe, et il est là, Jura. Derrière les buissons, quelques pas de ta cabine. Tu dois fuir, Gérard. C'est ta seule chance, car... Non. Là, je vous ai dit. Et vous n'avez pas le faux cul? Et vous êtes content de ce que vous faites là? Oui. Oui, je t'écoute. Ah, je vais te sucer la bite. Non. Non, merci. Non. Laissez-moi parler. Moi, je suis Gérard. Vous avez pas commencé à me prendre la tête. Hey, Gugus. Gérard, t'as fini! Je m'appelle Frédéric, tu viens d'ailleurs. S'il te plaît, s'il te plaît, Donc, Christine, on le rappelle, c'est l'ex de Gérard. Ouais, mais en gros, je ne suis pas mariée avec lui. C'est l'ex de Gérard. D'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi? D'accord. Voilà. Quels sont les bons souvenirs que tu as de Gérard? Que j'avais bien rigolé avec lui. Au début, il était sympa. Trois mois. Quel est le pire souvenir que tu as de Gérard? Eh ben, de piquer mon argent. Vraiment, comprenez. Aujourd'hui, si Gérard, tu l'avais en face de toi, quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que tu auras envie de lui dire, c'est quoi? Tu pues, ouais, c'est que pour être la foi. Vas-y, c'est bon. C'était quoi la position préférée de Gégé? Il montait sur moi, c'est tout. Vas-y, c'est bon. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non! Mettre ta confortise dans son cul! Quelle est la dernière chose que tu dirais sur Gérard? Un con. Ah. Le roi des cons. Ouais. Mais t'as coupé qui?